Le monument à la direction sur place du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, que brille à jamais le palais des enfants de Mangyongdae, est érigé au palais des enfants de Mangyongdae, centre d'éducation extrascolaire pour les enfants. À la cérémonie inaugurale tenue le 5 août, on prépare les officiels intéressés, le personnel enseignant et administratif, les membres des cercles du palais et autres élèves de la capitale.